un mâle. Chapitre 29. Des jours tristes commencèrent pour elle. On la laissait aller et venir sans avoir l'air de la savoir là. Elle avait repris ses besognes usuelles. Tantôt à la cuisine, tantôt à l'étable, elle était redevenue la fermière d'autrefois. Et un besoin de s'étourdir dans le travail lui donnait une activité extraordinaire. Elle ne sentait un peu d'apaisement que dans la fréquentation des bêtes. Les vaches au champ avaient une paix qui se communiquait à elle. Mais rentrée à la maison, le sentiment de sa déchéance la reprenait. Un accord sembla s'être fait entre le fermier et ses fils pour la laisser à elle-même. On l'évitait. La bonne entente du passé s'était changée en une réserve froide qui l'isolait au milieu du train de la ferme. Quelquefois, des mots étaient échangés, mais dits d'une fois, rapidement. Les après-midi s'achevaient ainsi, silencieuses et lourdes, ajoutant à sa peine l'accablement des soleils de juin. Le soir lui semblait une délivrance. C'était le milieu du jour surtout qui pesait sur elle. Des ondées de chaleur brûlante ruisselaient alors sur les cours. Les toits d'ardoise rôtissaient, envoyant par les escaliers des bouffées énervantes. Les fumiers bouillaient et une lassitude s'emparait de son corps, s'étendait jusqu'à son esprit. À quoi était-elle bonne désormais? Il ne fallait plus penser au mariage. Les galants, connaissant son histoire, chercheraient ailleurs des filles constantes et sûres. On la laisserait vieillir dans son coin, isolée un peu plus à chaque retour des saisons. Et devant elle, défilée, solitaire, morne, à perte de vue, les interminables jours de l'âge mûr. Est-ce qu'elle allait se soumettre à cette dure loi? Est-ce qu'elle l'attendrait venir, ce déclin de sa chaude jeunesse? Elle songeait dans ces moments aux filles qui s'en vont à la ville, les unes pour y vivre honnêtement de leur travail, les autres pour y faire la noce. Elle avait des parents à Bruxelles. Un cousin de son père, le garde, était concierge à Paris, et elle se souvenait au sujet de ce dernier de vieilles histoires contées par sa mère, où il était question d'une existence extraordinaire, faite de rigolades qui ne cessaient pas. Eh bien, elle partirait, elle irait trouver ce cousin. Peut-être avait-il des garçons. Sa vie brisée ici pourrait se reconstituer là-bas. Et cela se terminait en songerie qui la mollissait, la rendait tout à coup paresseuse au milieu de la besogne commencée. Autour d'elle, la nature semblait lassée comme elle-même. Il y avait des moments où le paysage s'immobilisait dans une torpeur d'accablement. Les arbres découpés sur le ciel, d'une pâleur ardente de fonte en fusion, des silhouettes inertes. Le soleil pesait alors sur la terre de tout son poids, comme le mâle couvrant la femelle au jour du rut. Seuls, les fumiers bruissaient dans la cour, lourde fermentation, et ce bruissement se perdait dans le silence du jour. Une floraison magnifique constellait l'étendue. Des taches roses signalaient au loin les saints foins. Les colzas en veillermée de jaunes flambées qui s'étendaient de proche en proche finissaient par se noyer dans l'horizon d'argent, et là où le glauque des blés ondulait en larges masses dormantes. Des grappes lumineuses épinglaient la rondeur ventrue des buissons. Une phosphorescence allumait le long des eaux les berges gazonnées. Des coins d'herbage s'ensanglantaient de coquelicots, et le bleu, le jonquille, l'écarlate criblait le tapis des verts sombres ou clairs. Au-dessus des végétations s'élargissaient des courants d'odeurs musquées, une ascension de parfums passait dans l'ascension des clartés. À chaque frisson du vent, des bouffées s'épandaient, formaient une vaste nappe d'effluves qui par places s'abattaient, et de grands papillons ocellés tremblaient à ras des cultures. Des vols ivres d'abeilles cognaient les fleurs, les ruches et les nids bourdonnaient, également en fête. Un chamaillis d'ailes remplissait l'épaisseur des arbres. Chaque branche avait ses oiseaux, chaque feuille avait ses insectes. Et les jardins, les vergers, ronflaient, chantaient. À mesure que se pressaient les jours, cette gaieté de la terre s'accroissait, prenait des allures de ribote et de folie. Une pléthore gonflait les choses. Le vertige de la sève exaspérait les chênes. On entendait, comme par cascade, ruisseler le sang vert des aubiers sous la chevelure des feuilles. Des gommes s'accumulaient le long des écorces, comme des apostumes par les fentes desquelles coulaient les résines. Aux branches s'ouvraient des plaies pareilles à des bouches, à des flancs écrasés et spumants. Tout dégénérait en excès. Parfums, lumière, couleurs, allongement des tiges, largeur des branchées, densité des fourrés, épanouissement de la fleur dans l'herbe, rondeur des bois à l'horizon. Les bêtes, gorgées de pâture fraîche, ballonnées d'aise sous de belles peaux lustrées. Des poursuites incessamment bousculaient les halliers, les prairies et les haies. Moineaux, poules, palombes, ronsins, ouailles, s'accouplaient, effarés, vagissants, furieux. Des cris rauques de désir en coléraient le vent. Une férocité entrechoquait entre les sexes, sous le soleil plombant son vif argent dans les moelles. Et l'ombre et la clarté s'aimaient, se caressaient, se pourchassaient, demeurait pantelante à travers une tendresse inassouvie. Les sources avaient l'air d'être de la vie qui coulait dans l'immense bruit de la nature en travail. Elle s'épanchait, murmurante, douce, ayant quelquefois, comme des gloussements d'amour, des sanglots mystérieux, ineffablement voluptueux. La mort même, la mort antique et pourrie, rajeunissait, s'éjoyait, reverdissait. Les saules vermoulus, les pommiers rongés de chancre, les ormes chus dans le fossé, avec leurs ganglions et leurs goîtres. De vieux murs prenaient une somptuosité de manteau sous l'échevellement doré des ravenelles. L'ornière s'enfleurait, le grès s'égruttait d'un panache, la fissure des toits caducs laissait s'épandre une touffe éclatante. Les fumiers eux-mêmes se duvetaient d'une fleur rosée, germée, entrée dans la noce universelle. Et sur tout cela, dardait le midi, ondulait le vent, pleuvait les odeurs, rumorait les feuillages, balançait comme des éventails. Germaine était prise de souvenirs aigus au milieu de ces effervescences de la terre. Que faisait-il, lui? Sans doute il traînait sa rancœur sous les hêtres de la forêt. Ne pouvant soupçonner la cause de cette longue absence, l'espoir de la voir arriver alternait en lui avec la crainte de l'avoir perdue. Elle se figurait sa peine, sa colère, sa solitude. Ah, il l'aimait, ce va-nu-pied, et d'un incomparable amour. Elle, au contraire, s'était refroidie. Une lassitude avait soufflé sur son feu, comme le vent sur une chandelle, tandis que le pauvre diable séchait sur pied, flambé comme une épine. Cela la remua. Elle se sentit revenir à lui par une gratitude soumise. Personne ne l'aimerait jamais comme il l'aimait. Et elle s'en voulait de ses palinodies à son égard. Bah, il valait mieux ainsi. Petit à petit, sa passion à lui s'userait devant cette séparation qui se perpétuait. Et par une pente insensible, allant de l'attendrissement à l'indifférence, elle se réjouissait presque d'être claustrée. Puis, les jours se suivant, elle eut d'autres idées. Le sachant violent, elle redouta un coup de tête. Un bruit de pas résonnant dans la cour la faisait se lever en sursaut, courir à la fenêtre toute pâle. Qu'est-ce qu'elle lui dirait s'il arrivait? Alors s'affolant, elle allait à l'extrême, entrevoyait des catastrophes. Il lui avait dit un jour qu'il ne serait pas gêné de lui loger une balle dans la tête si elle le quittait. Un autre souvenir, celui du couteau qui avait effleuré sa peau et auquel elle n'avait échappé qu'à l'aide de ses ruses, aussi lui revenait. Mais il n'avait pas reparu, et elle s'en étonnait. Regardait le verger, les pommiers, le bois au loin, avec inquiétude. cache après faisant le mort, lui semblait d'autant plus à craindre.